Soudain dans ma banlieue minable, c'était moins terre. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 6 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Colettes. Plusieurs dictons aujourd'hui, à la Sainte Colette, le sureau s'effeuillette. À la Sainte Colette, on voit à vue d'œil au sureau pousser la feuille. Ou encore, au jour de Sainte Colette, commence à chanter l'alouette, puisque le 6 mars est une date marquant le retour des oiseaux migrateurs. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui au Ghana, c'est le jour de l'indépendance qui célèbre l'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Et dans les événements qui se sont déroulés un 6 mars 1957, indépendance du Ghana. Tout de suite, on s'écoute un message de la CPAM. C'est un message de l'assurance maladie. Le cancer colorectal est le deuxième le plus meurtrier. Il concerne les hommes et les femmes. Dépisté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Vous avez 50 ans et plus? Vous êtes concerné, ayez le bon réflexe, adoptez le dépistage tous les 2 ans. Facile à réaliser et gratuit, le test peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. L'assurance maladie. Voilà, allez, tout de suite, on marque une première pause musicale avec le groupe The Supremes et leur titre You Cannot Hurry Love. Les Supremes avec leur titre You Cannot Hurry Love sur RGM, un peu plus de, enfin presque 8h35. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 6 mars 1944, naissance de Mary Wilson, chanteuse américaine des Supremes. 1946, naissance de David Gilmour, guitariste-chanteur britannique du groupe Pink Floyd. C'est également l'année de naissance de Martin Kove, acteur américain connu pour son rôle de John Kreese, Cobra Kensei, dans Karate Kid 1, 2 et 3, et vu plus récemment en 2019 dans le film Once Upon a Time in Hollywood. 1947, naissance de Kiki Dee, chanteuse britannique connue pour avoir chanté aux côtés d'Elton John sur le titre Don't Go Breaking My Heart, et on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour Kiki Dee et Elton John. Allez, on continue les anniversaires, mais on reste en 1947 avec la naissance de Rob Reiner, réalisateur américain, à qui l'on doit Stand By Me ou encore Quand Harry rencontre Sally. 1948, naissance d'Anna Maria Horsford, actrice américaine, vue à la télévision dans Amour, Gloire et Beauté dans le rôle de Vivienne Avent, les frères Wayans dans le rôle de Derd Baxter ou encore Grey's Anatomy. 1967, naissance de Connie Britton, actrice américaine vue dans la série Spin City dans le rôle de Nikki Catherine Farber, Friday Lights Nice dans le rôle de Tammy Taylor, Nashville dans le rôle de Rena James ou encore la série 911 dans la saison 1 dans le rôle d'Abby Clark. 1968, naissance de Moira Kelly, actrice américaine connue pour son rôle de Karen Rowe dans la série Les Frères Scott. 1969, naissance d'Andrea Elson, actrice américaine connue pour son rôle de Lynn Tanner dans la série télé Alf. 1970, naissance de Shane Broly, acteur britannique connu pour avoir interprété le rôle de Craven dans la série des films fantastiques Underworld. C'est également l'année de naissance de Jean-Luc Lemoyne, humoriste, chroniqueur et présentateur télé français. 1973, naissance de Juliette Arnault, actrice scénariste française, vue dans L'un reste, l'autre part. Ensemble, c'est tout. De l'autre côté du lit, Arrête de pleurer Pénélope dans le rôle de Chloé, à la télévision dans Drôle de famille, Léo Mattei, Brigade des mineurs, et scénariste du film La Buzz. 1978, naissance de Lara Cox, actrice australienne connue pour son rôle d'Anita Shepherds dans la série télé Hartley, Cœur à vif. 1984, naissance de Laila Bekti, actrice française vue dans Chétan dans le rôle de Yasmine, Tout ce qui brille dans le rôle de Lila, récompensée du César du meilleur espoir féminin, New York, Le Grand Bain dans le rôle d'Amanda ou encore J'irai où tu iras dans le rôle de Mina. 1985, naissance de Pierre-Édouard Belmar, joueur de hockey sur glace français, ayant joué à Rouen, à Lexens, à Skellefteå. Et depuis 2014, il évolue en NHL. De 2014 à 2017, il a joué pour les Flyers de Philadelphie. De 2017 à 2019, pour les Golden Knights de Vegas. Et depuis cette saison, il joue au Colorado Avalanche. 1988, naissance d'Agnès Carlsson, chanteuse suédoise. Allez, avant de s'écouter les Pink Floyd, petit message sur les coquelicots. Les coquelicots de la Moselotte, de Remiremont et des vallées voisines, eh bien, vous invitent à leur prochain rassemblement. C'est ce vendredi à 18h30, place de la mairie à Fraisse-sur-Moselle. Allez, tout de suite, on va s'écouter les Pink Floyd avec le titre « Another Brick in the Wall ». Les Pink Floyd sur le 107 FM, un peu plus de 8h43, on parle météo. La météo. Alors, la météo, eh bien, ce sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 5 et 7 degrés pour cet après-midi. Samedi, soleil et nuages, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévus pour demain après-midi. Dimanche, des nuages, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le biathlon et l'étape de Nové Mesto en République tchèque hein, qui se joue eh bien, sans spectateurs. Alors je vais vous avouer que c'est un petit peu spécial puisque c'est très calme. Et hier, c'était le sprint féminin qui a été remporté par l'Allemande Hermann et Anaïs Bescon s'est classée deuxième et troisième place pour Davidova. Pour le reste de nos Françaises, dixième place pour Justine Brezaz, 22e place pour Célia Émonier, 25e place pour Julia Simon et 60e place pour Chloé Chevalier. Le sprint, messieurs, c'est aujourd'hui à 17h30. Le premier à s'élancer, ce sera Anne Pfeffer. Ils seront 109 à prendre le départ. Côté français, le premier à s'élancer, ce sera Quentin Fillon-Maillé avec le dossard 10. Martin Fourcade, le dossard 33. Simon Détieu, le 35. Fabien Claude, le 45. Emilia Ginclin, le dossard 49. Et Antonin Guigona, dernier français à s'élancer. Lancé, il aura le dossard 84. À suivre le dossard 4 de Louguinov, le 13 de Tarjebø, le 22 de Johannesbø ou encore le 24 pour l'autre Vosgien Florent Claude. Samedi, ce seront les relais, 14h relais féminin, 17h relais messieurs. Et dimanche, on terminera avec les Mastart, 11h45 pour les féminines et 13h45 pour les messieurs. Hier, c'était également les sprints en IBU Cup, des podiums pour nos Français et Françaises, puisque sur le sprint féminin, Caroline Colombo a décroché la deuxième place et sur le sprint messieurs, Émilien Claude, le troisième de la fratrie Claude, eh bien, a décroché une troisième place. Un mot de tennis avec le tournoi de Lyon hier, l'élimination de Mladenovic en 2-7 face à Fritz Ham. Aujourd'hui, Dodin affronte Kenin et Garcia se reposait à Van Jutvank. Un mot de football avec la Coupe de France, Saint-Etienne s'est qualifié hier soir face à Rennes, 2-1. La polémique également, puisque des milliers de personnes se sont rassemblées après sur le terrain, alors qu'ils n'ont pas le droit en raison du coronavirus. Un mot de football féminin avec le tournoi de France. Samedi, la France affronte le Brésil. Allez, on parle de la Ligue 1. Ce soir, c'est Marseille-Amiens. Samedi, Strasbourg-PSG, Angers-Nantes, Dijon-Toulouse, Metz-Nîmes, Nice-Monaco et Reims-Brest. Dimanche, Saint-Étienne-Bordeaux, Rennes-Montpellier et Lille-Lyon. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Niort. En National 2, samedi, Épinal se déplacera à Haguenau. En National 3, samedi toujours, Raon-l'Étape se déplacera à Amnéville et Thaon-les-Vosges se déplacera à Vauban-Strasbourg. Un mot de basket en Pro B ce soir, Nancy reçoit Lille. Un mot de rugby avec le tournoi des 6 nations. À noter que le match Italie-Angleterre du 14 mars a été reporté en raison du coronavirus. Par contre, dimanche, le match Écosse-France devrait bel et bien avoir lieu. On termine avec le hockey sur glace et les playoffs de la D2. Quart de finale samedi soir à la patinoire de Poisson-Pré. Rendez-vous à 18h05 pour le coup d'envoi. Épinal Courchevel. Je vous rappelle qu'Épinal a remporté le match 1 dans les Alpes samedi dernier. Eh bien, samedi, c'est le match numéro 2. Si Épinal vient à s'imposer, eh bien, direction les demi-finales. Épinal venait à échouer samedi, eh bien, il y aurait un match numéro 3, toujours à la patinoire de Poisson-Pré, dimanche. Mais bon, on parle pas du match numéro 3. Ils vont passer au match numéro 2. On y croit. Allez, le HC. Allez, on marque tout de suite une dernière pause musicale avec Agnès Carlsson et son titre « Release Me ». Release me, release my body. I know it's wrong, so why am I with you now? I say release me, 'cause I'm not able to convince myself that I'm better off without you. Agnès Carlson avec le titre Release Me sur RGM, un peu plus de 8h52. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h30. Ce sera durablement vôtre à 14h, la rediffusion de J'aimais, je vous le lis. Et à 21h, ce sera Mosaïque avec François. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Profitez-en bien. Ciao, bye bye.